La tragédie de juin 1940, mais en septembre, enfin, une bonne nouvelle, Lascaux. We shall fight in France. We shall never surrender. Cette guerre est une guerre mondiale. Je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. L'ordre est donné à la délégation française de signer la convention d'armistice. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. 12 septembre 1940, c'est la date officielle de la découverte de la grotte de Lascaux, et la bonne nouvelle se répand rapidement au mois d'octobre, en même temps qu'a lieu la rencontre de Montoire entre le chancelier Hitler et le maréchal Pétain. Dans l'histoire mondiale de la France, le collectif dirigé par Patrick Boucheron, on s'est étonné qu'en 1940 figurent certaines évocations et non pas d'autres. L'évocation de Lascaux prend place, en effet, à la date de 1940 dans ce livre. Et c'est Yann Potin, ici présent, bonjour Yann, bonjour, qui a publié le texte relatif à la découverte de Lascaux. Bonne nouvelle, ça vous a une allure d'évangile. On aurait pu mettre divine surprise. Oui, divine surprise, le mot de Maurras à propos de Pétain et de l'effondrement de la République. En effet, Lascaux, l'apparition de Lascaux a quelque chose de sacré, c'est évident, d'inattendu, puisqu'elle révèle quelque chose, et c'est peut-être ce quelque chose d'archaïque, de profond, de souterrain, qu'il faut essayer de comprendre, même si évidemment dans les actualités de l'époque, septembre, octobre 1940, ce n'est pas forcément sur le devant de la scène. Mais c'est quand même relevé par les journalistes, par la presse. On entendra des évocations par les actualités cinématographiques. On reviendra sur le mot, tiens, assez curieux, de apparition, sur le mot de révélation. Nous sommes dans un relief karstique, vous savez, le relief calcaire, il y a des eaux souterraines, des lacs, des grottes et des résurgences. C'est d'ailleurs souvent ainsi que fonctionne l'histoire. Nous sommes dans le village de Montignac, dans un domaine qui appartient à une vieille famille française, à la branche d'une vieille famille française. La Rochefoucauld, les La Rochefoucauld-Montbel pour être plus précis. Montignac, c'est donc en Dordogne, dans le département de la Dordogne, à proximité de Brive, entre Brive et Périgueux. Et d'ailleurs, du reste, la commune vient de se rebaptiser Montignac-Lascaux. Et effectivement, Lascaux va être considéré très vite par les observateurs comme la chapelle Sixtine de la préhistoire, ce qui là encore relève du registre religieux, du registre sacré et ecclésiastique. Donc, en effet, Lascaux est une grotte karstique, une grotte fermée, scellée pendant pendant plus de 15 000 ans. Et la conservation de ces peintures, polychromes, est exceptionnelle. Mais alors, attendez, il faut d'abord, dans une apparition des enfants, on ne sait pas combien ils sont officiellement, ils sont deux du village, deux de Paris, qui ont été amenés à Montignac par l'Exode, et qui deviennent copains les uns avec les autres. Alors voici Marsal et Ravida, les deux du cru qui sont restés ensuite à Lascaux et qui témoignent, nous sommes un petit peu après la guerre, dans ce reportage. Quels sont vos noms ? Moi, Jacques Marsal. Et Marcel Ravida. Alors racontez-moi dans quelles circonstances, comment vous avez été amené à découvrir cette grotte ? C'est tout à fait par hasard. C'est-à-dire que nous chassions dans les environs, on chassait sans fusil. Oui, ah bon ? Le chien de mon camarade qui suivait un lapin est descendu dans un trou. Et c'est le chien ne pouvant plus remonter, nous nous sommes décidés à descendre. Et c'est comme ça que la grotte a été découverte. Mais comment êtes-vous descendu ? Ça a dû vous donner beaucoup de difficultés, ça ne devait tout même pas être simple. Non, puisque justement il fallait agrandir au fur et à mesure de la descente, parce que le trou était très étroit. Alors c'est souvent pris comme un exemple de sérendipidité, la découverte de Lascaux. Vous savez, comme la découverte un petit peu après la guerre, des manuscrits de la Mer Morte, de Qumran, avec une chèvre qui se glisse dans un trou, et puis, émerveillement, on retrouve le contenu de la bibliothèque du monastère des Esséniens. Ils sont quatre avec un chien, voilà. Robot. Robot, oui. Est-ce qu'ils sont quatre d'ailleurs ou est-ce qu'ils sont plus ? Ils étaient sans doute plus. En tout cas, au départ, il est Marcel Ravida, qui était le plus âgé d'entre eux, qui était en fait plus vraiment un enfant, qui avait 18 ans et qui travaillait au garage du coin, et qui d'ailleurs était vêtu de chapeaux de cow-boy. On est déjà aussi dans un monde rural bousculé par l'américanisation et ses folklores. C'est toute une bande en fait. Hein. Simplement, le récit de la découverte s'est fixé peu à peu sur ce chiffre de 4. Beaucoup d'adolescents du village y ont participé, ont aussi dessiné, je pense notamment à Georges Estréguil, qui a été le premier à finalement croquer les animaux de Lascaux. Il paraît même que les garçons ont emmené des filles, voilà. Des Alsaciennes qui étaient là, parce que à cause de l'exode, pour leur montrer leur nouveau domaine. On est connecté tout à fait avec l'histoire nationale, ouais. Puisque l'Alsace-Lorraine a été évidemment réfugiée en partie en Limousin et la Dordogne. Donc il y a beaucoup d'Alsaciens, beaucoup de gens de l'Est, et on imagine une fin d'été. Hein, faut quand même imaginer aussi l'atmosphère. Hein. La rentrée a été repoussée. Il n'y a pas eu de confinement, mais c'est quand même une France confinée et perturbée. Et aussi mélangé entre toutes les régions. Cuencas, c'est le fils d'un magasin de vêtements des Champs-Élysées. Il est très copain avec Marsal, qui tient avec ses parents le bar du village. Alors, ils sont sans doute plus nombreux que quatre, mais l'histoire officielle retient une triangulation. L'instituteur, ou plutôt l'ancien instituteur qu'on va consulter rapidement, Lucien Laval, et un prêtre. Alors ce prêtre, il s'appelle l'abbé Breuil, c'est pas exactement un prêtre très révolution nationale, très nouveau régime de Vichy, c'est un prêtre vraiment libre. C'est un prêtre totalement libre, puis c'est un prêtre déjà d'un certain âge et dont la prêtrise est une fonction très secondaire, puisque ce prêtre est avant tout le plus grand préhistorien français de l'époque, et même pour une partie du monde. Il a même été consacré avec un peu d'humour pape de la préhistoire, depuis qu'il est entré au Collège de France en 1929, et donc à ce moment-là, c'est véritablement l'autorité qui en plus a fait reconnaître 40 ans auparavant les premières grottes ornées dans la même région, à quelques encablures de là, Fontgaume, les Combarelles. Donc c'est vraiment une autorité qui séjourne régulièrement dans cette région, mais quand même on l'appelle toujours l'abbé Breuil, parce que là aussi, il y a une figure de médiation, une figure sacerdotale. Et c'est vrai que l'amateur local de préhistoire qui s'appelle Léon Laval, donc rien à voir avec le futur président du conseil alors de Vichy, c'est vraiment une figure, disons, truculente. Ça me fait penser toujours à ce passage magnifique de la Grande Besogne de Pierre Michon, qui nous rappelle combien la préhistoire est le fruit d'une concurrence entre les curés et les instituteurs pour savoir si Adam avait des os. Oui, mais l'abbé Breuil, il est plus souvent en battle dress qu'en soutane. C'était donc une découverte exceptionnelle. Mais il ne s'en doutait qu'à moitié, n'est-ce pas ? Cependant, il savait, grâce à la petite leçon de l'instituteur, eu un certain sentiment que ça avait son importance. Et que s'il n'avait pas trouvé de trésor métallique, ils avaient tout de même trouvé un trésor. Et ils entendaient bien le garder. Alors, il fit leur rapport à l'instituteur Laval, incrédule et sceptique. Puis, mon jeune ami Maurice Taron, prisonnier évadé, passa par là, par hasard, vit la grotte et fut ébloui de tant de merveilles. Il me téléphona, j'étais à Brive, et je le reçus avec réserve. Il insista, il m'apporta, il fit 70 km à bicyclette pour ça, les premiers croquis qu'il a pris. Et à la vue des croquis, j'ai compris qu'il s'agissait d'une grande découverte. Je me rendis aussi vite que je le pus, c'est-à-dire le 21 septembre, à Lascaux, et vraiment, voir ces peintures était si émouvant que je n'ai pas trouvé de mots pour exprimer mon émotion. L'abbé Breuil qui dira souvent que Lascaux pose plus de questions qu'il ne peut y apporter de réponses. Alors, sa foi, avez-vous dit, est discrète. Yann Potin, il fallait pas compter sur lui pour faire le rapprochement avec les apparitions de la Vierge. Pourtant, on pourrait le faire. La Vierge, elle apparaît souvent. Après des défaites Pontmain, en Mayenne, en 1871, oui. Des enfants sont en train de piler dans une grange, et puis une Vierge, au manteau constellé d'étoiles, tenant un crucifix rouge de sang entre les mains, apparaît, et seuls les enfants la voient, les adultes ne voient rien. Voilà, ça c'est ça ce qui est très important, c'est toujours ce truchement, comment le spirituel ou la divinité, et là en l'occurrence une spiritualité qui est cette art archaïque venue de la nuit des temps, qui s'adresse aux enfants, c'est une figure qu'on peut rapprocher en effet des apparitions mariales, surtout qu'elles sont souvent liées à des grottes, pensons à Lourdes, qui était aussi une grotte préhistorique, entre parenthèses, mais... Ce rapprochement avec Pomain me semble très, très juste, parce que on peut pas s'empêcher, en étant un peu structuraliste, bon après tout, de se dire qu'il y a quand même à la fois un hasard et une nécessité dans cette apparition aux enfants, à des adolescents, ce qui est d'ailleurs un des motif fondateur de la découverte de la Paris étoile, mais dans une autre région, en Espagne, à Altamira, puisque c'est une petite fille de 9 ans qui avait, pour la première fois en 1879, la fille du marquis de Sautuola, identifié les taureaux d'Altamira, pensant que c'était de l'art véritable et non pas simplement des graffitis. Parce que le marquis, le père, il était archéologue amateur, il n'avait rien vu. Il n'avait rien vu. Dis papa, t'as vu les bûches ? Voilà, il n'avait rien vu parce qu'il était trop grand, parce qu'il était elle pouvait rentrer dans des conduits. Exactement, c'est comme ses enfants, ils rentrent dans des trous. Donc, il y a à la fois concrètement une apparition, et il y a quelque chose de, en effet, de troublant, c'est-à-dire que l'innocence des enfants leur fait, et c'est comme ça qu'on le comprend à l'époque, leur fait peut-être mieux percevoir l'enfance de l'art. Alors, le vieux maréchal, ou en tout cas ses services, portent de l'intérêt à Lascaux, parce que s'il y a eu en surface, n'est-ce pas, dans le moment, un désastre en France, en juin 40, dans les profondeurs du temps, dans la longue durée, la preuve est faite, grâce à la découverte de la grotte, que le pays est un des plus anciens du monde, que les grottes y sont plus vieilles, qu'en Espagne même, les actualités françaises prennent le relais des premiers journaux à avoir traité du sujet. Le Temps, le journal des débats, l'Illustration. Nous pénétrons un peu dans les secrets de la vie de ces hommes commandés par la faim, la crainte et la magie. Rien dans les abîmes découverts du monde de la préhistoire n'approche en nombre, sinon en perfection, ces dessins inimaginables que traça il y a 30 000 ans à la lueur d'ensemble de la flamme, la main d'un très lointain ancêtre. Et comme soudain, si loin de nous, il nous semble si près. Bon, 30 000 ans, Yann Petain, faut pas exagérer. L'abbé Breuil, il est appelé pour reconnaître les lieux et aussi pour les dater. Il ne les date pas d'une manière pareille. Non. Alors en plus, il y en est avant 1950, date de... naissance du carbone 14 et de la datation des pigments, quand on peut le faire, quand il y a des pigments organiques. Donc c'est une datation stylistique qui fait grâce à sa connaissance. Et lui, il pense tout de suite que c'est d'époque magdalénienne, c'est-à-dire vers moins 15 000, à la fin des âges glaciaires, donc le début du grand réchauffement climatique. Et ce qui est très intéressant, c'est que à l'époque, on s'est pas bien calé, parce que justement, il n'y a pas encore cet étalonnage du carbone 14. Et quand on dit 30 000 ans, c'est autant un chiffre symbolique que un chiffre réel. Ce qui est troublant, au passage, c'est que depuis, la grotte Chauvet nous a effectivement placé dans cette chronologie-là. Mais bon, 15 000 ans, c'est déjà pas mal. Et surtout, ce qui frappe à Lascaux, c'est évidemment la composition. Et c'est pour ça que Breuil parle de chapelle Sixtine, parce qu'il y a de la symétrie, parce que les animaux se font face, parce qu'il y a de la composition, et il n'y a pas simplement du style. Alors, les deux enfants du pays découvreurs vont passer leur vie auprès de la grotte. La grotte, elle va avoir le même effet protecteur qu'une vierge pour toute leur existence. L'abbé Breuil va s'installer jusqu'au début de 1941 à proximité, et puis le dimanche, commencer à faire visiter la grotte. Les La Rochefoucauld, les propriétaires, ils ont contribué à l'aménagement, aux premiers aménagements de l'endroit. Oui. Alors, au début, évidemment, compte tenu de la circulation limitée, on est en zone libre, certes, mais c'est quand même une région reculée de la France. Il y a des visites, des groupes de scouts. On a peu de documents là-dessus pour documenter ça, quelques photos. Mais il y a une première vie, en quelque sorte, de Lascaux, d'autant qu'un film va être réalisé, d'ailleurs, où d'ailleurs les inventeurs vont même participer, vont faire partie des acteurs. Donc, il y a une première médiation durant la guerre. Mais il faut quand même attendre le lendemain de la guerre pour que, pour le coup, les propriétaires, même si évidemment la grotte est classée monument historique, le site reste privé, le restera jusqu'aux années 70. Donc les propriétaires, les La Rochefoucauld, montent une véritable exploitation touristique qui démarre en fanfare en 1948 et va s'arrêter brutalement en 1963 pour cause de détérioration. L'abbé Breuil, il était assez libre pour pouvoir demander à Vichy en 1948 21 de quitter le pays. Alors, mmh. Il est parti à Lisbonne, il est parti en Espagne, il est parti en Afrique du Nord, il est parti en Afrique du Sud, il est revenu qu'en 1944. Il a pas vraiment publié. Lascaux. C'est un peu une sorte d'évitement étrange, peut-être de fascination. C'est-à-dire que le caractère à la fois exceptionnel de la préservation des peintures, l'évidence même qu'il s'agit d'un art composé, la représentation humaine, hein, la célèbre scène de l'homme du puits, fait que, alors qu'il avait passé sa vie jusque-là à relever frénétiquement toutes les peintures dans toutes les grottes les plus reculées, il a laissé cela en chantier, du fait de la guerre aussi, et paradoxalement, il y a une sorte de petite malédiction qui s'est mise en place après-guerre, en lien avec aussi la fermeture de la guerre, puisque bon, c'est un autre abbé, l'abbé Glory, qui a repris le travail, mais lui-même est décédé dans les années 60, et au fond, les relevés systématiques de la grotte n'ont jamais véritablement été faits, et aujourd'hui, c'est le fac-similé, en quelque sorte, qui a pris la place. Mais dites-moi, vous parlez de l'homme du puits. Alors, au fond du puits, il y a un homme, le sexe droit. C'est pas très Vichy, tout ça. Non, c'est pas très Vichy. 4 doigts de pied et pas 5. Un buffle ou un bison blessé à ses côtés, c'est un des rares endroits narratifs de la grotte de Lascaux. Alors, peut-être l'abbé Breuil n'a-t-il pas beaucoup commenté, mais Georges Bataille, en 1955, publie lui un livre sur la peinture préhistorique qui s'intéresse particulièrement à ce personnage. C'est pas non plus ça très Vichy, l'érotisme. Oui, c'est-à-dire que la grotte, en général, est un espace souterrain qui évoque les puissances, disons, archaïques ou animales. Et d'ailleurs, Bataille, toute sa thématique, ce sera de dire combien la peinture préhistorique révèle la part animale de l'homme et où l'homme, justement, se devient homme en représentant les animaux, en quelque sorte. Et effectivement, cette scène du puits, qui est en apparence cachée, certainement, et reste jusqu'à aujourd'hui peut-être l'acte le plus... le message, hein, le message le plus insensé, puisque c'est précisément le bison est éventré. Et l'homme, si j'ose dire, chute en tuant l'animal. Donc là, il y a une espèce de chassé-croisé incroyable. Et le contraste entre ce qu'il y a en profondeur et ce qu'il y a en surface dans les années 40 est vraiment étonnant. J'aime beaucoup cette phrase de Bernanos que j'ai peut-être déjà citée. L'origine de Pétain, c'est une France agricole dont le maréchal veut faire le paisible potager de l'Europe totalitaire. Un potager chargé de ravitailler en légumes les ouvriers des usines d'armement. Et en dessous, il y a la part du jeu, l'érotisme et la mort, la tauromachie aussi. Bien sûr. Vous savez que Pétain détestait les corridas. Ah. Il n'a assisté qu'une fois à une corrida, il est parti au milieu. Quel contraste. Francis Lockwood. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Juin 40, une tragédie, mais en septembre 1940 et en octobre, la nouvelle est popularisée, la divine surprise de Lascaux. Alors, il faut toujours mettre en rapport la découverte de Lascaux avec les événements concomitants. Deux enfants étaient issus de l'Exode, qui faisaient partie des découvreurs, et ces deux enfants venus de Paris ont quitté assez vite la commune de Montignac. Simon Cuencas, par exemple, n'a jamais rencontré l'abbé Breuil. Il a fait venir son frère aîné, il a dû faire venir des Alsaciennes et des Lorraines, mais il n'a pas vu le pape de la préhistoire. Je sais tout ça grâce à la lecture d'un livre qui, pour le 70e anniversaire de Lascaux, paraît au mois de septembre chez Robert Laffont, signé Héloïse Gay de Bélissène. Cette romancière, qui a sur son bras tatoué un motif de Lascaux, a rencontré longuement, à de multiples reprises, pendant les dernières années de sa vie, Simon Cohen-Cass, le plus jeune des découvreurs, qui vient de mourir seulement en février 2020. Il rentre à Paris avec ses parents pour découvrir que le magasin de vêtements de la famille, aux Champs-Élysées, à deux pas du bureau de Pierre Laval et de René de Chambrun, son gendre, vient de passer en d'autres mains que celles de la famille, parce que les Cohen-Cass sont juifs. Et voilà ce qui va arriver à Simon Cohen-Cass. On l'entend ici à la fin de son existence. Il parlait difficilement après une trachéotomie. Ouais, il s'est passé une chose, c'est que, je ne me rappelle plus, peut-être 8 jours, 15 jours après, il a fallu qu'on rentre sur Paris. Et puis les lois racistes sont sorties. Il a fallu déclarer, comme il était juif, on arrête mon père. Ils l'emmenaient à Drancy. Ils m'ont convoqué un jour, comme j'avais 15 ans et demi. Ils avaient donné ordre que les enfants, moins de 16 ans, étaient libérables. Entre-temps, on arrête ma mère, ma grand-mère, mes frères et sœurs. Tous, on les emmène au commissariat du 20e. Mes frères et sœurs ont été sauvés. Et après, donc j'ai été libéré, ma mère est partie. Auschwitz, bien sûr, malheureusement. Alors après, bon, la guerre finie, on attendait mes parents, ils sont jamais revenus. L'arrestation qu'il évoque a eu lieu en octobre 1942. Il était avec des copains de son frère, le frère aîné qu'il avait amené dans la grotte. Ils ont été pris ensemble, mais lui a pu bénéficier d'une libération en novembre 1942. Le découvreur, un des découvreurs, un des enfants, un des visionnaires, un des voyants de Lascaux se retrouve mis au banc de l'humanité. Oui, c'est vrai que c'est troublant parce que, en effet, cette compagnie de hasard que formaient ces quatre adolescents, Simon Cohen-Cass n'avait que 13 ans, cette France en miniature, pourrait-on dire, qui inclut justement, bien entendu, alors encore les Juifs, et de cette communauté nationale dont ils vont être exclus et plus que ça persécutés dans les semaines qui viennent, la découverte, qui suivent la découverte, évidemment c'est troublant parce que au fond il y a l'apparition symbolique, mais il y a aussi la révélation sociale que finalement cette découverte met en scène, et l'idée toute simple que à Drancy aussi, je veux dire, Simon Cohen-Cass a porté en lui les images de Lascaux, alors que on parle justement de cette représentation, de cette frontière entre l'humanité et l'animalité au moment précis où les hommes, une partie des hommes, révèlent leur animalité brutale et génocidaire. C'est vrai que c'est assez incroyable, hein. Il y a quelque chose de quasiment romanesque et tragique plutôt que romanesque. D'ailleurs, une véritable tragédie. Et Simon Cohen-Cass fait partie de ces personnes qui ont témoigné toute leur vie de cette étrange alliage, au fond, entre le hasard de s'être trouvé là, en Dordogne, hein, en septembre 40, et puis un destin, évidemment, qui est celui des Juifs persécutés et ses parents morts en camp, alors que lui a finalement échappé à la Shoah. Devant Héloïse Gued de Bélissène, sa confidente, il associe d'ailleurs toujours les deux événements, Lascaux et Drancy, mettant en avant Drancy. Alors, elle lui demande, mais à Drancy, vous pensiez aux animaux? Il dit, oui, je pensais aux animaux de Lascaux, mais c'était nous, les animaux. Et où étaient les hommes primitifs, ou supposés être primitifs? Juste une dernière chose, sur le facsimilé, sur un des murs du facsimilé, sur le mur de la maison qu'habitait Simon, à Montignac, il y a une petite photo en médaillon. Et il n'y a pas d'autres photos disponibles de cet adolescent de 13, 14, 15 ans que celle qui a été prise quand il est arrivé dans un convoi à Drancy. Ouais. Mais il n'est pas dit, évidemment, que la photo a été prise dans ces circonstances, dans les monuments de Lascaux. Les anniversaires, il n'en manquait pas. Il y allait tout le temps. Simon était resté très ami avec Marsal, le fils du bar, jusqu'à la mort de Marsal, en 1989. Alors on peut évoquer quelques anniversaires. Ça va être le 70e. Le 60e, le président de la République, c'était à l'époque Nicolas Sarkozy. C'était peut-être un peu planté dans la première version de son discours sur les dates, non? Oui, je crois qu'il avait parlé de l'homme de Néandertal, ce qui nous amène plusieurs dizaines de milliers d'années auparavant. Et puis, a priori, mais ça a été corrigé après, été corrigé, dans les versions suivantes. Et puis a priori, ça a été le dernier président à visiter la grotte en grande pompe. Et quand le président Mitterrand vient pour le 50e anniversaire, elle est déjà très malade, hein, la Vierge, pardon, la grotte de Lascaux. Et voici ce que déclare François Mitterrand. J'aime ainsi plonger dans les siècles des siècles et dans les millénaires. Chaque fois qu'il m'est donné de me rendre ici ou là, je cherche aussi à m'instruire et à savoir. C'est très loin, c'est très près. Si l'on pense aux quelques millions d'années, quoi, vous vous situez à combien? 3 millions d'années, 4 millions d'années? Pour l'homme, sur une planète que vous situez à combien? 3 milliards, 4 milliards d'années? 17 000 ans pour vous ici à Lascaux, 17 000. Quelques générations avant les temps de l'histoire. Et c'est la préhistoire. C'est très loin, c'est très près. Moi qui suis malicieux, je vais dire que c'était déjà la formule qu'il y avait dans les actualités cinématographiques de Vichy en 41. Mais vous trouvez très beau ce discours de François Mitterrand, Yann Potin. Disons qu'il m'impressionne par rapport au discours suivant d'autres présidents, parce qu'on voit qu'il est encore nourri d'une grande rhétorique, qui d'ailleurs, vous le voyez, parsème de citations quasi évangéliques, des siècles, c'est tout à fait troublant, d'autant que Mitterrand en 90, on est en septembre 90, bon bah c'est le début en fait du second septennat, enfin c'est encore le début du second septennat, on sort du bicentenaire, donc on manie beaucoup, disons, la question de la France dans son rapport au monde, et d'ailleurs dans ce discours Mitterrand a beaucoup parlé de l'universalité française et combien Lascaux faisait partie du patrimoine mondial et que c'était un devoir pour la France d'être le gardien ou la gardienne de ce sanctuaire, d'autant que en effet à ce moment-là il y a toute une problématique aussi d'accueil touristique avec un premier facsimilé depuis quelques années, Lascaux 2. Il y a vraiment cette idée de comment faire voir un patrimoine aussi fragile, en danger depuis une trentaine d'années, depuis que Malraux a fait fermer la grotte, comment à la fois le transmettre et le valoriser. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de... C'est un discours qui est d'autant plus que j'aime beaucoup aussi, pour dire une petite chose personnelle, parce qu'en fait, en même temps, il y avait une manifestation de paysans périgourdins qui a fini par troubler la venue. Oui, parce qu'ils étaient venus en pirogue, bateau sur la Vézère, voilà. Et les forces de l'ordre ont dépêché des canots, voilà. Et il y a eu une bataille navale. Il y a eu une bataille navale, une joute à quelques pas donc de la grotte, et donc ça fait partie de ces petites scènes qui nous viennent tout droit de la République, disons des Jules et des comices agricoles. Mais en effet, disons que, bon, d'ailleurs, rappelons-nous, quand Mitterrand a fini les fouilles du Grand Louvre, il y avait eu cette grande publication de la France, de Lascaux à François Mitterrand, l'archéologie en France de Lascaux au Grand Louvre. Donc, cette idée, en quelque sorte, que c'est aussi une geste politique et présidentielle que de révéler les traces de la mémoire nationale. Référence donc au livre « La France préhistorique », je crois, de Jean-Paul Demoule, comme voilà. Pilote. Et votre article sur Lascaux, François Mitterrand en 90, prononce une fois le mot France et quatre fois ou cinq fois le mot monde. Voilà. Notez-vous votre article sur Lascaux. Il paraît dans la bien nommée Histoire mondiale de la France aux éditions du Seuil. Merci de nous avoir accompagnés, Yann Potin, dans cette avant-dernière marche de l'histoire consacrée à 1940. Nous a accompagnés aussi pendant un mois Hélène Koumjian, que je ne saurais trop remercier. Alexandre Chenet était à la technique, Frédéric Martin, Franck Olivard, Ilinka Negulesco, Audrey Ripouille, Juliette Gou, l'équipe de la Marche de l'Histoire.